Merci d'écouter nos programmes. Très bel après-midi. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. When all the people receive true information of all that government does. Cette semaine, la démocratie aux États-Unis. Nous sommes le peuple élu. Nous portons l'arche des libertés du monde. Pionnier et héritier. Why two triangles? Un système qui en a vu d'autres. One right side up. One upside down. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent. C'est cela qui nous donnera, je cite, un bon gouvernement. Qu'est-ce que l'exceptionnalisme américain? Qui seront les immigrants arrivant aux États-Unis? Quel rôle joueront-ils dans l'histoire démographique de la Confédération? D'où vient le melting pot? Qu'est-ce donc que la destinée manifeste? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Origine et destinée ». Nancy Green, spécialiste de l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Parfois, on a l'image ou l'idée que la notion même de l'immigration est tellement intégrée à l'histoire de la nation américaine, comme si c'était depuis toujours. Mais en fait, il y a une historiographie propre avec des silences sur ce sujet. Et c'est véritablement depuis maintenant 20, 25, 30 ans qu'il y a une nouvelle histoire de l'immigration aux États-Unis, une nouvelle histoire sociale de l'immigration qui essaie de remettre en valeur cette partie de l'histoire américaine. Bien sûr, c'était là depuis les débuts. Le pays est un pays qui est fait des différents groupes d'immigrés, mais il y a eu des périodes où cette histoire-là passait derrière une histoire plus, on pourrait dire, républicaine, dans le sens français du terme. Cette immigration aux États-Unis, vous la replacez dans le cadre de migration internationale? Oui, je pense que c'est important de voir que l'émigration vers les États-Unis, c'était une option parmi d'autres, une qui avait beaucoup de publicité et qui a eu un grand succès. Les États-Unis ont accueilli au cours du 19e siècle plus de monde que n'importe quel autre pays. Mais en même temps, il y avait d'autres pays qui étaient des pays d'immigration très importants, y compris à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, la France. Mais au cours du 19e siècle, il y a le Canada, il y a les pays de l'Amérique du Sud qui sont déjà aussi des pays d'immigration. Et par tête d'habitants, on pourrait dire que les États-Unis n'étaient pas une exception et qu'il y avait d'autres pays qui étaient même plus accueillants proportionnellement à leur population de base, si vous voulez. Donc les États-Unis étaient un choix qui a capté beaucoup d'imagination et beaucoup de gens, mais ce n'était pas le seul. Donc je pense que c'est une histoire qui devrait être faite en comparaison avec d'autres immigrations aussi vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc un peu partout. Souvent, c'était des contraintes au départ, aussi bien que l'attraction des États-Unis qui était très important, des contraintes, des problèmes dans les transformations socio-économiques de l'Europe, les persécutions religieuses, la famine dans le cas d'Irlande et la famine de la pomme de terre au milieu du 19e siècle. Les effets des révolutions, des révolutions de 1848, il y avait diverses raisons pour les départs qui tenaient à tout ce qui est démographique, politique, religieuse, économique. Donc, les départs étaient, on peut dire, entourés d'un certain nombre de forces d'émigration, du push, comme on dit en anglais, et ceci était en parallèle avec le pull, la force d'attraction formidable que constituaient les États-Unis et d'autres pays, mais les États-Unis en grande partie. « Tout d'abord, peut-être j'ajouterai une parenthèse entre le pull et le push, c'est-à-dire à la fois le passage et le choix des États-Unis ou dans quel état. Parce que les gens, d'abord, il fallait prendre des moyens de transport qui se sont allés en améliorant, ce qui a ajouté au grand flux d'immigration au 19e siècle et qui va dans ce sens depuis. Mais il y avait les publicités. Donc, les gens choisissaient aussi, parfois en fonction de véritables publicités, des pancartes publicitaires, des brochures qui expliquaient pourquoi le Wisconsin, c'était mieux que d'aller dans le Missouri et qu'un endroit était plus clément qu'un autre, qu'il y avait moins d'insectes ou il y avait une terre plus fertile. Donc, il y avait aussi des choix qui étaient construits en fonction d'un certain nombre d'informations qui étaient véhiculées par les États eux-mêmes ou par les agents d'immigration, les recruteurs qui venaient en Europe. Ensuite, le passage en bateau et puis l'arrivée. L'arrivée qu'on a beaucoup décrit, l'arrivée à Ellis Island pour ceux qui venaient par sur la côte est. Une arrivée pleine de craintes, surtout dans la période de la grande immigration entre la fin du 19e siècle et le début de l'arrêt de l'immigration des quotas dans les années 20. Ellis Island représente à la fois l'espoir mais aussi la crainte d'être refusé. En fait, si les gens allaient être refusés, ça se passait plutôt avant même qu'ils montent sur le bateau. Il y avait déjà des contrôles avant le départ, mais il y avait des contrôles et encore plus sévères, si vous voulez, à l'arrivée même. Et c'est pour ça qu'Ellis Island a été mise en place pour canaliser l'arrivée. Avant Ellis Island, il y avait un autre endroit dans le sud de Manhattan, à New York, qui était Castle Garden, qui était la grande porte d'entrée de la côte est. Il y a d'autres ports sur la côte ouest. Mais à la côte est, donc, il y a Boston. On peut aussi entrer par la Nouvelle-Orléans, par exemple. Mais c'est vrai que c'est Ellis Island qui est devenu le symbole, d'autant plus que maintenant, on l'a réaménagé et on a fait le musée que vous connaissez peut-être. Mais l'arrivée était pleine de craintes, surtout pour le contrôle médical. On arrivait aussi à refuser des gens s'ils avaient une maladie contagieuse. Dans la législation, on pouvait refuser quelqu'un aussi pour des défiances mentales, pour la pauvreté, enfin pour l'indigence. Ils étaient en général pauvres, mais pour une indigence où ils n'avaient pas de moyens de subsistance ou de parents ou de minimum de garantie. Et donc, il y avait cette peur d'être refusé, bien que, en fait, il y a eu un petit pourcentage qui était refusé à l'arrivée. Même une fois arrivé à Ellis Island, ils avaient 90% ou 95% d'être admis au pays. Mais il y avait cette peur, l'inquiétude sur l'avenir, sur une nouvelle vie, donc qui a été abondamment décrite dans la littérature. Même l'histoire générale, on peut dire internationale, d'immigration est une histoire faite par étapes, une histoire parfois en zigzag, ce n'est pas linéaire et il y a souvent des départs et des redéparts. Donc, pour les États-Unis, il est vrai que New York pouvait être un premier point d'arrivée, mais souvent, il y avait une réémigration par la suite vers d'autres villes ou voire vers les fermes, vers une vie agricole. Au 19e siècle, souvent, les immigrants continuaient pour leur but étant plus au 19e siècle d'acheter ou d'avoir de la terre plutôt que de rester dans les usines, ça serait plus tard dans le 19e siècle. Quand on parle des étapes, il y a ceux pour lesquels les étapes sont en continu et d'autres pour lesquels les étapes peuvent être au fur et à mesure des années. On reste, on tâte le terrain, on essaie de trouver du travail et puis si on ne peut pas ou si on a un cousin ailleurs qui dit « mais tiens, viens à Chicago parce que il fait beau sur le lac de Michigan, comme pour mes grands-parents. » Donc, il peut avoir une réémigration qui est plus tardive en fonction des réseaux des parents ou un appel de quelqu'un. Jean Effer, historien. En fait, la conquête de l'Ouest est faite beaucoup plus par des Américains de souche que par des immigrants. Parce que les immigrants, à part certaines régions très particulières, comme par exemple dans le Midwest, j'entends les États du Wisconsin, du Minnesota, où l'on voit des Scandinaves, donc des Norvégiens, des Suédois, des Danois qui viennent s'installer dans les campagnes. Autrement, la conquête des campagnes américaines est faite plutôt par un phénomène on pourrait appeler de percolation progressive, où les gens se déplacent, par exemple, du Midwest, ensuite, au-delà du Mississippi, dans l'Ouest. Alors, il y a des immigrants, c'est vrai, dans tout cela, mais en grande partie, la conquête est faite par des Américains de souche. Quand je dis de souche, je veux dire des Américains qui sont nés aux États-Unis, mais qui peuvent être effectivement, et souvent étaient, des Américains de deuxième génération. Aux États-Unis, dans toute l'histoire, enfin, et surtout, disons, au 19e, et au moins jusqu'en 1950, le centre du pays, c'est le quart nord-est. C'est tout ce qui est compris entre le Mississippi, l'Ohio et la côte est. Ça, c'est vraiment le centre vital des États-Unis. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'utilise ce concept de frontière, parce que qui dit frontière dit précisément marginal. Une frontière, dans l'exception de Turner, ça voulait dire une zone de contact entre ce qu'il appelait la civilisation et la barbarie, la sauvagerie indienne. Donc, ce sont des zones un petit peu à l'écart des grands courants. Et c'est ce que j'essayais de montrer, justement, dans la relation avec le Pacifique. C'est comment le Pacifique, au début, est une zone très marginale dans l'histoire américaine, pendant longtemps, et que progressivement, cela se construit au point de devenir aujourd'hui une zone fondamentale. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de frontières, précisément. Qui sont donc ces immigrants qui arrivent aux États-Unis ? Jean Effer, historien. Ce sont des aventuriers, c'est-à-dire des commerçants d'abord, parce que les gens qui y vont, c'est essentiellement pour faire de bonnes affaires. Donc il y a des commerçants, des navigateurs. Et une autre grande aventure, c'est par exemple la pêche à la baleine. On voit ces Américains que l'on trouve à travers tout le Pacifique, au moins jusqu'en 1870 en gros, et qui couvrent toutes les régions de l'océan à la poursuite de la baleine. Et ça, les baleiniers sont l'exemple typique d'aventuriers, mais d'aventuriers qui cherchent le profit quand même. C'est un moteur économique à l'origine, il n'y a pas d'autre raison. L'intervention politique arrive beaucoup plus tard. Ce n'est que, on peut dire que dans les années 1840, que le gouvernement américain, Washington, décide donc, du fait même qu'il y a des intérêts économiques, il est important d'avoir des bases navales sur la côte pacifique. Et donc, il convient de conquérir la Californie, de s'emparer du territoire de l'Oregon. Mais ça, c'est une motivation qui arrive plus d'un demi-siècle après l'expansion des activités économiques. Donc fondamentalement, c'est l'économie qui est le moteur dans toute cette expansion vers le Pacifique. Il est certain qu'il y a une part de rêve que l'on trouve dans l'histoire américaine qui pousse les Américains continuellement vers l'Ouest et qui doit à un moment donné les amener au Pacifique. Bon. J'aurais tendance à dire que au 19e siècle, ça joue quand même d'une façon très marginale. Le seul grand épisode qu'on peut signaler là-dessus, c'est la ruée vers l'or en Californie, qui commence en 1849 et qui dure en gros une dizaine d'années. Ensuite, la Californie reste quand même très marginale dans l'histoire américaine jusque, il faut attendre en gros 1920, quoi, je dirais, avec le développement de Los Angeles, l'industrie du cinéma, etc., où on voit effectivement émerger la Californie comme un centre important au point de vue industriel, culturel, etc. Au point de vue de l'immigration, c'est très net. Aujourd'hui, une grande partie de l'immigration vient par la Californie essentiellement. C'est sûr, New York n'a plus du tout le rôle majeur qu'il avait encore jusqu'en 1950, on peut dire, ou 1960. Nancy Green. Le pays n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs, parfois en ce qui concerne le travail, parfois en ce qui concerne l'accueil, ou des parents qui sont eux-mêmes surchargés et très pauvres et qui ne peuvent pas accueillir les gens comme ils le souhaitaient, comme ils l'attendaient. Et les conditions sont difficiles. C'est une condition d'ouvriers, d'ouvrières, dans les petits ateliers ou des usines, selon les endroits, ou pour ceux qui vont travailler la terre dans le Middle West, ça va être aussi des conditions difficiles, défricher des terrains parfois rudes. Il y a des retours dont on n'avait pas tellement parlé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Un livre est sorti sur les retours de l'Amérique. Il y avait des retours par des déçus, mais il y avait aussi les retours par les réussites. Parce que le départ aux États-Unis pouvait être un projet d'installation définitive, mais ça pouvait être aussi, et pour beaucoup, c'était un projet temporaire, qui parfois se soldait ou se terminait par une immigration définitive. Mais ça pouvait être aussi pour gagner de l'argent, pour revenir au pays et de s'installer, de pouvoir acheter de la terre au pays, de pouvoir s'installer chez soi. Donc, il y avait des retours qui étaient des retours des deux sortes. Et il y avait des allers-retours. Il y avait beaucoup plus de mouvements dans les deux sens qu'on ne conçoit aujourd'hui, en imaginant un passé où les gens voyageaient moins, d'accord, par rapport à aujourd'hui, mais il y avait sur les bateaux, ce qui d'ailleurs rend les statistiques sur l'immigration un peu difficiles, parce que les gens ne déclaraient pas si un aller ou un retour était définitif. Donc, il y avait ceux qui retournaient pour se faire voir au pays, montrer comment ils ont réussi, pour quand même revenir aux États-Unis, et ceux qui, après plusieurs allers-retours, ont fait un choix, ou n'ont pas fait de choix, et qui ont continué à voyager un peu. Mais il y avait ces voyages dont les conditions s'amélioraient. Les migrations de masse au 19e siècle n'auraient pas eu lieu s'il n'y a pas eu des améliorations dans les conditions de transport avec les bateaux à vapeur, beaucoup plus rapides, finalement réglementés par les gouvernements pour éviter des abus qu'il y avait plus tôt dans le siècle. Quelle est la part de l'immigration dans la croissance démographique aux États-Unis? Jean Effer, historien. D'après les démographes, en fait, on a une tendance à exagérer la part de l'immigration dans la croissance démographique des États-Unis. En réalité, l'immigration compte pour un peu moins d'un tiers de la croissance. Et les deux tiers sont dus essentiellement à la croissance interne, c'est-à-dire à la croissance de la population d'origine américaine. Parce qu'il faut bien voir quand même que les Anglais qui sont arrivés, ou les colons qui sont arrivés au XVIIe siècle, du fait qu'ils ont une croissance exponentielle de l'ordre de 3% par an, ont une inertie dans la population globale qui est énorme, et que même avec les apports considérables de l'immigration, en réalité l'immigration n'est pas le facteur dominant. J'entends bien l'immigration si on prend les Américains de première génération. L'immigration n'est pas le facteur dominant dans la croissance démographique américaine. C'est au contraire, les États-Unis sont développés parce qu'ils avaient un taux de natalité élevé et un taux de mortalité relativement faible. Donc c'est une croissance propre au pays. Et c'est ça, propre aux Américains eux-mêmes. Les immigrants ont ajouté un plus, mais même sans immigrants, les États-Unis auraient eu une forte croissance démographique. Comment s'explique le taux de mortalité faible aux États-Unis? Jean Effer. Là-dessus, il y a plusieurs interprétations. Il y a une première interprétation qui est certainement très forte, consiste à dire qu'ils sont très bien nourris. En effet, il y a une abondance alimentaire aux États-Unis qu'on ne trouve pas en Europe à la même époque, du fait que l'Américain moyen dispose d'un espace cultivé beaucoup plus important par tête. Donc, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de famine. C'est un pays dans lequel les gens ont toujours été bien nourris. Alors ça explique déjà beaucoup la faible mortalité. Une deuxième raison, semble-t-il, c'est que du fait que la densité est faible, étant donné qu'on a une population qui est importante, mais sur un territoire immense, donc la densité est beaucoup plus faible. Et ça signifie que les maladies se transmettent beaucoup moins. Il est certain qu'il y a eu beaucoup moins de, comment dirais-je, de grandes épidémies contagieuses aux États-Unis qu'il y en a eu en Europe. C'est ce qui explique que, par exemple, vers 1800, un paysan américain, un farmer américain, avait beaucoup moins de chances de mourir que le fils d'un lord anglais, qui était pourtant très riche, parce qu'il y avait précisément un milieu naturel qui faisait que c'était moins fort. Alors ensuite, des fois, on dit c'est parce que les microbes étaient moins virulents. Mais enfin, ça reste à prouver. C'est une thèse qui peut être développée éventuellement. Mais fondamentalement, je pense que la véritable raison, c'est le niveau de vie était élevé. La qualité de l'alimentation était bien plus supérieure à celle qu'on trouvait en Europe. Et ce qu'on remarque ensuite, historiquement, c'est qu'au 19e siècle, cette espérance de vie diminue, et en particulier et parce que le taux de mortalité a une tendance à augmenter. Et une des raisons qui est donnée, c'est peut-être parce que les Américains, à partir des années 1840, peut-être sont moins bien nourris que ceux d'avant. En particulier, ils consomment moins de protéines animales, une partie de la production est exportée, et ce qui expliquerait que les habitants, en particulier des villes, sont moins bien alimentés. D'où ce changement démographique, mais qui s'arrête vers 1890. Et à partir de 1890, au contraire, on voit à nouveau le renversement de la tendance, c'est-à-dire que l'espérance de vie monte considérablement, le taux de mortalité baisse, en particulier dans les villes, grâce aux travaux de filtration d'eau, etc., donc qui diminuent toute une série de maladies contagieuses. Et on a cette expansion démographique considérable, malgré une baisse très forte du taux de natalité. Le terme de destinée manifeste apparaît pour la première fois en 1844 dans un article du directeur de la Democratic Review, John O. Sullivan. Notre destinée manifeste consiste à nous étendre sur tout le continent que nous a alloué la Providence pour le libre développement de nos millions d'habitants qui se multiplient chaque année. Ainsi, les Américains se vivent comme ayant une mission divine, celle de s'implanter démographiquement et institutionnellement sur l'ensemble du continent nord-américain. Pour parvenir à la création de cet État exceptionnel, les fondateurs des États-Unis décident de limiter l'implication américaine dans la politique européenne. J'ai toujours considéré comme fondamental pour les États-Unis de ne jamais prendre part aux querelles européennes. Leurs intérêts politiques sont entièrement différents des nôtres. Leur jalousie mutuelle, leur équilibre des puissances, leurs alliances compliquées, leurs principes et formes de gouvernement, ils nous sont tous étrangers. Ce sont des nations condamnées à la guerre éternelle. Toutes leurs énergies sont dévolues à la destruction du travail, de la propriété et des vies de leur peuple. Thomas Jefferson, 1823. La volonté messianique d'expansion des dirigeants américains est sécurisée la même année avec la doctrine Monroe qui sanctuarise le territoire continental en condamnant toute intervention européenne dans les affaires des Amériques comme celle des États-Unis dans les affaires européennes. À partir de la fin du 19e siècle, les États-Unis, une fois leurs frontières continentales fixées, cherchent à exporter leurs valeurs marchandes et culturelles dans le reste du monde. Dès lors, la notion de destinée manifeste se divise entre deux visions des relations internationales, l'une réaliste et l'autre idéaliste. Claude Julien, journaliste. Je crois que l'une des complexités de la société américaine, c'est la diversité des courants d'immigrants. N'est-ce pas ? On a l'habitude, d'une manière un peu trop simplifiée, de dire les colonies ont été peuplées par des gens qui fuyaient en Europe des régimes autocratiques, intolérants, et qui allaient chercher la liberté en Amérique. C'est vrai pour les pèlerins. Et puis il y a les autres courants. Les autres courants, c'est le capitaine Smith qui débarque avec son équipage et qui dit « Moi, je suis venu ici pour chercher l'or, creuser l'or, laver l'or, peser l'or, vendre l'or. » Là, il n'y a pas le moindre idéal. Il n'y a pas le moindre souci de liberté, d'épanouissement de la personne humaine dans une société parfaitement démocratique. Il y a, longtemps après, les vagues successives, les trafiquants d'esclaves ne sont pas des idéalistes qui vont implanter la démocratie en Amérique. Les chercheurs d'or ne sont pas non plus des idéalistes. Mais le courant idéaliste survit et il est entretenu par toute une littérature que nous retrouvons sous la plume de Melville, qui dit « Nous sommes le peuple élu, nous portons l'arche des libertés du monde » et dans un langage très biblique, il magnifie la grande aventure d'une partie du peuple américain, mais il généralise et il étend cette aspiration, cette haute ambition, non seulement aux héritiers spirituels et politiques des pèlerins, mais aussi à tous ces trafiquants, tous ces commerçants, tous ces margoulins, ces négriers, ces chercheurs d'or, qui eux ne cherchent pas la démocratie. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. L'Amérique a eu l'infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde. Nous sommes venus pour racheter le monde en lui donnant liberté et justice. Woodrow Wilson. Claude Julien, journaliste. Mais il est vrai que la société américaine est peut-être, dans le monde actuel, la société la plus théiste que nous puissions connaître. Le rôle de Dieu dans la vie politique américaine, encore à l'heure actuelle, est très considérable, n'est-ce pas ? L'aumônier du Sénat, on imagine mal qu'il y ait ailleurs qu'aux États-Unis, un aumônier du Sénat qui ouvre les séances du Sénat par une prière. Il faut lire, par exemple, la biographie de l'un de ces aumôniers du Sénat, écrit par sa veuve, un homme appelé Pierre, a man called Peter, et la vie de ce pasteur aumônier du Sénat est très éclairante sur l'obligation dans laquelle se sentent les hommes politiques américains de faire référence à Dieu. Vous savez que Eisenhower n'était pas baptisé et que, avant d'entrer à la Maison Blanche, il a éprouvé le besoin de se faire baptiser. C'est toujours la référence à ce sentiment religieux des origines et d'avant les origines. Sur un autre plan plus général, si vous voulez, vous avez les remarques d'un grand historien comme Andrew Acker, qui est un personnage âgé, ça n'est pas un jeune contestataire, je tiens à le souligner, doyen de la faculté d'histoire de l'Université Columbia, qui dans un livre de réflexion sur ce qu'il appelle l'ère américaine, la période pendant laquelle la toute-puissance américaine s'est affirmée dans le monde avec un éclat particulier, dans ce livre, il touche un point qui me paraît essentiel. Il dit, d'un côté, sur le plan politique, nous avons une démocratie. La démocratie, c'est l'égalité des citoyens devant les urnes. C'est le slogan « One man, one vote », un bulletin de vote par citoyen. Et puis, de l'autre côté, cohabitant mal avec ce régime politique démocratique, nous avons la réalité des affaires, la réalité du système capitaliste, dans laquelle ne joue pas le principe « one man, one vote ». Au contraire, plus vous avez d'actions, plus vous avez de bulletins de vote pour le même individu. Et il y a là contradiction entre un certain système économique, qui est l'équivalent d'un système censitaire. La puissance du bulletin de vote est fonction des actions ou de l'argent que l'on possède, et de l'autre côté, le système démocratique qui veut que, quel que soit le degré de fortune des individus, ils soient égaux devant les urnes. Notre épisode était intitulé « Origine et destinée ». Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « Immigration et Constitution ».